Chapitre 4. La corde à sauter. Ce matin, j'ai décidé de me débarrasser de cette branche de pin qui bousille ma clôture. Inutile de demander quoi que ce soit à Fred, il est dans le cirage le plus total, toujours jalousement gardé, surveillé par Louisa. Mokhtar va me donner un coup de main. Il a les cheveux longs, raides, attachés en catogan, les traits purs et fins, et une taille bien au-dessus de la moyenne. De plus, il y a une certaine grâce dans tous ses mouvements et son sourire aux dents blanches et ravageurs. Pas étonnant que Louisa lui ait mis le grappin dessus. On dirait un prince andalou ou un seigneur touareg. Pendant ce temps, je sais que Chavannes et ses hommes vont effectuer une perquise discrète au domicile de Louisa. C'est un studio au rez-de-chaussée d'une villa. Chavannes n'aura pas de problème pour se faire ouvrir la porte. Regarde, Mokhtar, on va scier la branche en deux, mais pour ne pas qu'elle écrase la haie encore plus, on va l'attacher au-dessus à une maîtresse branche. Quand je l'aurai tronçonné, je pousserai le morceau qui est chez moi de l'autre côté et à ce moment-là, tu laisseras doucement descendre la branche à terre. Tu feras gaffe de ne pas me la faire tomber sur les pieds. Elle doit peser comme un âne mort. T'as pigé ? Ouais, pas de problème. Va voir dans le garage si Fred n'a pas une corde assez longue. Mokhtar revient assez rapidement. Non, il n'y en a pas. Bon. Je vais en chercher une dans mon bins. Tout en travaillant, entre deux hurlements de la tronçonneuse, je tape la causette avec Mokhtar. T'es de quelle origine, Mokhtar ? Je suis français. Non, je ne te demande pas ta nationalité. Tu es d'origine algérienne, marocaine, tunisienne ? Je suis d'origine française. Mais Ben Laden, ce n'est pas un nom d'origine française. Ah bon ? On ne peut pas s'appeler Ben Laden et être français, alors ? Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Moi, tu vois, je suis français. Mon père était naturalisé français, mais je suis d'origine italienne. Mon père et ma mère étaient nés en Italie, tu comprends ? Ouais, je comprends, mais mon père, je ne l'ai pas connu et je ne sais pas où il est né. Et ta mère ? Ma mère non plus, elle n'a jamais su où il était né. Elle, c'était une Espagnole. Ah ! C'est pour ça que tu ressembles autant à un fier Hidalgo qu'à un prince arabe. Comment je dois prendre ça ? Comme un compliment ? Mais oui, arrête de te monter le bourrichon. Et où est ta mère ? Au cimetière. Elle est morte il y a 2 ans. Ah bon, excuse. Malheureusement, la mort des gens est une façon comme une autre d'arrêter la conversation. Nous réussissons à débiter la branche et entassons les bûches dans le jardin de Fred. Le pain, c'est pas bon pour la cheminée, dit Mokhtar. Ça fait du bistre. Oh, mais tu t'y connais, hein ? Et à brûle pour point, je lui sors. Qu'est-ce qu'elle a, Louisa, en ce moment ? On dirait qu'on lui a volé sa soupe. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'avec moi, depuis que Maïtena est morte, elle a maintenant un caractère de chien. Ah ouais. Mais c'est parce qu'elle ne l'a pas supporté. Elle aimait bien Madame Maïtena, mais Monsieur Fred, c'est pas pareil. Il parlait plus avec moi qu'avec elle. Il n'adressait jamais la parole à Louisa, comme si elle était un animal. Alors maintenant, de se retrouver seule avec lui, ça lui mange la tête. Mais pourquoi ne va-t-elle pas travailler ailleurs ? Une place comme ça ne se trouve pas si facilement. Vous allez vous marier un jour ? Je ne sais pas. Peut-être. Mais qu'est-ce que ça change ? En rien, c'était juste pour savoir. Comme on se les gèle, ni lui ni moi ne nous attardons dehors. Je lui offre un café, un pastis qu'il refuse, préférant aller voir sa chérie. Dès la porte d'entrée franchie, mon téléphone sonne. Allô, oui ? C'est toi, Chavannes ? C'est pas vrai. Raconte. Et Chavannes m'explique qu'ils ont trouvé chez Louisa, derrière la maison, une corde en nylon tendue entre deux piquets, servant d'étendoir. Questionnée, la propriétaire a dit que c'était Louisa qui lui avait demandé la permission de mettre cette corde, qui correspondait en tout point à la description que j'en avais faite, excepté qu'elle paraissait neuve. À l'intérieur, dans un placard, ils ont trouvé un écheveau de la même corde, d'un blanc immaculé. Elle a dû laver la corde dans la machine. C'est fort possible, fait Chavannes. En tout cas, la corde est nickel-chrome, et il est inutile d'essayer d'y trouver une quelconque trace. Combien fait-elle de long, cette corde ? Oh, à peu près 15 mètres. Il y en a largement assez pour l'attacher dans la rampe. Tu vas l'interroger à ce sujet ? Bien sûr, mais je sais d'avance ce qu'elle va me répondre. Qu'elle a ramassé cette corde dégueulasse qui traînait dans le garage de sa patronne, qu'elle l'a lavée pour pouvoir l'utiliser et s'en faire un étendoir. Voilà. Et si elle l'a ramassée le jour même du drame, ce n'est qu'une pure coïncidence. Ouais. Je le sens comme ça, moi aussi. En tout cas, c'est bien elle qui l'a emporté. C'est déjà un premier point. Tu as demandé à la propriétaire quand Louisa avait fait son étendoir. Ah non. Quel abruti, j'ai oublié. Mais j'y retournerai. Non. Je vais lui téléphoner et lui demander de garder le silence sur cette corde. Au fait, j'ai eu le rapport de Charles. Il n'a rien trouvé d'autre que la rupture de la moelle épinière et, bien sûr, l'hématome sur le dessus du pied. La femme Barthe avait l'estomac vide, elle était en parfaite santé, tous les viscères étaient clean, pas de lésion cardiaque non plus. Elle aurait pu vivre 100 ans. Allez, ciao Volpi. Dans la soirée, Chavanne m'appelle. J'ai du nouveau, Volpi, et de taille. Chavanne m'explique qu'il s'est rendu au domicile de Louisa vers 19h30. Elle était présente et l'en a profité pour la questionner au sujet de la corde. D'où sortez-vous cette corde? Mais je l'ai achetée. Quand? Oh, attendez, ce n'est pas difficile. Et Louisa a sorti d'un tiroir un cahier d'écolier gonflé par des facturettes et des tickets. Après quelques secondes, elle a tendu à Chavanne un ticket de Casto qui datait de 4 jours avant la mort de Maïtena, sur lequel figurait bien l'achat d'une corde pour 8,40 € entre autres articles. Pourquoi avoir acheté une corde? En fait, je voulais acheter de la corde à linge. Le vendeur n'a pas compris ce que je cherchais et il m'indiquait le rayon des cordes de toutes sortes. Celle-là, elle faisait 30 mètres et elle était soldée à moitié prix. Alors j'ai finalement trouvé les cordes à linge, mais j'ai gardé celle-là parce que j'étais largement gagnante. Mais pourquoi vous me demandez ça? Peu importe. Et celle qui était dans le garage des Barthes, qu'est-ce que vous en avez fait? Louisa s'est mise à tirer une mine de 15 pieds de long. Ça commence à me gonfler, cette affaire. Quand je suis entré dans le garage pour prendre mes affaires, le soir de l'accident, du meurtre, oui, bon, la corde était au milieu. Je me suis embroché dedans et j'ai failli m'escagasser sur le coin de l'établi. Alors j'ai roulé la corde et je l'ai mise sur une étagère au-dessus de la porte. Voilà. Vous êtes content maintenant? Vous allez me lâcher un peu? Voilà qui ruinait toutes nos hypothèses. Va chez Barthes, sous n'importe quel prétexte, et assure-toi que la corde est bien là où elle le dit. Si c'est le cas, on pourra la faire analyser, et on n'aura pas tout perdu. T'as raison, Chavanne, il faut positiver. Malgré l'heure tardive, je me rends donc chez Barthes pour les rendre la tronçonneuse. Mais là dans la grange, me fait-il depuis son bureau. Réponse attendue. Au-dessus de la porte, sur une étagère, j'aperçois un des anneaux de la corde enroulée. Apparemment, c'est bien celle que j'avais vue par terre le jour du crime. En rentrant chez moi, petit coup de bigot à Chavanne. C'est bien la corde en question. Soit ils sont innocents, soit ils sont très forts. Allez, ciao. Dans la foulée, je téléphone à Louis pour voir ce qu'il en pense. Tu sais, me dit-il, c'est peut-être une stratégie. Si tu laisses les indices bien en vue, c'est pour montrer que tu ne sais pas que ce sont des indices, et donc que tu n'y es pour rien. L'innocence même. Et s'il y avait eu une tierce personne? D'après leur témoignage, il y avait bien quelqu'un pour appuyer sur la sonnette. Et si cette personne était entrée sans faire de bruit? Ouh là là! Ça y est, tu recommences à fantasmer, Gino. Réfléchis, cette nuit. Je sais que tu y arrives bien. Demain, tu auras trouvé quelque chose de plus convaincant. Je regarde la télé d'un œil distrait et pourtant, il s'agit du voleur de bicyclette, un film en VO que je vénère car j'ai toujours l'impression d'y reconnaître mon père. « Gino, tu es encore ailleurs ?» me fait Gilda d'un ton désolé. « mais non, je repense à mon enfance. » Gros mensonge. Je pense en réalité à cette satanée corde et je suis pratiquement persuadé que c'est bien l'un des deux qui l'a tendue. Mais je nage complètement concernant les mobiles du crime. À part lever le pied avec une poule, quel intérêt avait Fred? Il ne sera ni plus riche ni plus pauvre. Maïtena n'avait pas d'assurance vie. De plus, c'est surtout elle qui manageait les affaires. Je pense que Barthes va vendre et prendre sa retraite. Et s'il avait combiné tout ça avec Louisa pour lever le pied avec elle? À moins que Maïtena l'ait trompé et qu'il ait voulu se venger. Mais ça m'étonnerait de Maïtena. Elle allumait un peu mais était sage comme une image. Et Louisa? Barthes rit de tout, et ce n'est pas avec la façon dont elle se conduit avec lui qu'elle pourra espérer quelque chose à sa mort. Mais c'est peut-être une excellente comédienne. Et Mokhtar? Est-ce qu'il a joué un rôle dans cette affaire? Et pourquoi pas? Et puis merde, je reste sec.